Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Le podcast de Papa Cassette est présenté par Level Up, le café numéro 1 des gamers. Bon matin à tous, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 125. J'espère que tout le monde va bien. En ce mercredi 4 octobre 2023, on y est arrivé, mesdames et messieurs. L'après-déménagement de Retro MTL et on est dans notre nouvelle vie. Donc, l'épisode d'aujourd'hui va parler de cela, un peu l'historique, de tout ce qui s'est passé depuis près d'un an dans le développement de ce grand projet qui est finalement abouti. Avant tout, je remercie mon commanditaire, les cafés Level Up. Allez au levelup.coffee pour vous procurer du café délicieux en trois sortes différentes sur leur site web et ils shippent partout. Partout. Et puis, utilisez le code PAPA10 pour avoir un escompte de 10% sur votre café Level Up. Donc, rendez-vous en ligne. Et puis, voilà, je les remercie, même que je vais en reprendre tout de suite encore. Parce que là, on est mercredi, ce qui veut dire que hier soir, c'était mardi et je jouais au hockey. Donc, j'ai dormi juste 5 heures et j'ai besoin de caféine et Level Up va me redresser bien comme il faut. Et puis, la semaine passée, joie à défense, hein, je vous le rappelle. Et puis, je bloque des tirs parfois. Et puis, la semaine passée, j'ai bloqué un tir. J'ai reçu un tir sur le côté droit du talon de ma jambe droite, de mon pied droit. Et puis, comme, je sais pas pourquoi, il y a de la protection. C'était un patin, mais ça a snappé, là. Ça a été comme atroce, là, tu sais. Fait que... je souffrais pendant deux jours la semaine passée. Ça finit par passer justement. Puis là, hier soir, j'ai reçu un snap sur la cheville de mon pied gauche. Et puis là, ça, rien ne va plus. Ça fait très mal. Mais ça devrait être passé demain, ça aussi. Sinon, j'ai de quoi un muscle en arrière de la cuisse droite, là. Depuis une semaine et demie, deux semaines, là, on dirait qu'il y a de quoi de coincé, là. Ça fait mal, là. C'est comme un nœud là, dur, là, une boule, là, je sais pas quoi. Ça me fait capoter. toute lâche sur Dominique Bourret. Même mon bras gauche aussi, j'ai de quoi te péter dans le coude depuis fucking un an. Là, je pense que je vis avec ça, puis je suis plus capable de forcer. Puis mon corps s'écroule. Va falloir que je prenne une pause de tout ça, m'emmener que j'aille chez un physio, je sais pas quoi, pour aller analyser toutes ces affaires-là. Sans compter aussi ce que j'ai au pied. Je le sais ce que j'ai au pied. Ça a un nom. Ça fait un bout. Je porte des orthèses. Une orthèse à gauche pour ça. J'en ai une à droite aussi. Orthèse. Ça fait ça assez grand-père. Porter une orthèse, man. Ça me fait capoter. Non. Je cherche le nom de la chose parce que c'est définitivement pas un nom simple. Je vais chercher encore quelques secondes. Sinon, je vais laisser faire parce que c'est pas intéressant pour vous. Fait que là, je fais juste... parler dans le vide. Ah ah! C'est ça! Alors, j'ai une synovite au pied gauche. C'est un accroissement anormal de la quantité de synovie produite dans la capsule d'une articulation. Ainsi, l'augmentation du liquide augmente la pression intra-articulaire, ce qui peut être très douloureux. La synovite peut être caractérisée comme une forme d'arthrite et peut toucher toutes les articulations. Fait que moi, j'ai ça précisément en dessous du pied gauche, comme à la liaison des cinq orteils, tu sais. Bon, ben c'est tout, je vais aller à l'hôpital, bye. Non, c'est ça. Ben, je parle de mes affaires, c'est pas ça. J'ai besoin de café, ça va. Grâce au café, ça va tout guérir, ça. Bon, alors, fini le niaisage, on parle du déménagement, on parle de Rétro Montréal, ça va être ça tout l'épisode, comme je disais. Fait que, en effet... c'est un projet qui a commencé, je dirais, en décembre de l'année passée, lors de la signature du bail, parce que ça commence par là, tu sais. Et puis, je peux juste comme rappeler vite, l'historique, très vite. Ça va faire Rétro Montréal, la boutique, là-bas, au 3893 Schlaga, a ouvert ses portes ouais, je comptais sur mes doigts. Le 25 mai 2019. Et puis, voilà, donc ça roule, d'un coup, whoop, la COVID, ok, on a passé un an et demi à rusher de COVID et tout ça. Puis au retour de la COVID, on n'avait plus de place là-bas, on avait besoin de plus d'employés, il y avait de l'inventaire partout, on était squeezé dans le magasin, tu sais. Fait qu'on a magasiné, je cherchais un nouvel espace, un deuxième espace, un espace d'appoint. Et puis, deux coins de rue plus loin, j'ai trouvé ici le deuxième étage d'une ancienne caisse populaire. Qui était libre, il y avait une pancarte dehors à louer, fait qu'on a loué ça. Et puis les propriétaires de l'immeuble sont également les propriétaires de la boutique qu'il y avait jadis au rez-de-chaussée, qui est une boutique d'objets liturgiques, donc des affaires de Jésus. Et puis il y en a qui sont au courant, qui avaient déjà vu cette boutique-là dans le quartier, ils sont comme là, c'est poche. Mais sachez que ces gens-là roulent en tabarnak. La business de Dieu! C'est payant. Et puis, eux autres, ils sont ici. C'est une business familiale là, que le père du proprio avait. Peut-être même son grand-père. Ça fait très longtemps qu'ils ont ça. Et puis, ils sont tellement nichés, tu sais, comme sont les seuls. Alors, quand t'as le monopole, ben, t'as pas le choix d'avoir des commandes, tu sais. Puis, à une certaine époque, ici, c'était fou, là. Ils utilisaient les deux étages. Ils fabriquaient. Il y avait des couturiers, couturières qui fabriquaient des toges. De prêtres, et puis tout est ici. Quand c'est le temps des rameaux, hostie, les rameaux sont entreposés dans le sous-sol. La Pâque, eux autres, c'est leur deuxième Noël. Même c'est plus big que Noël, comme me disait. Fait que ça. Quand Jésus revient, les ventes reviennent. Ça, c'est bien. Donc, puis ils faisaient de l'import-export. J'aime ça dire ça. Ils pouvaient, mettons, un matin ici, on regardait en bas. Hein, et puis on voyait des genres de gros sarcophages de bois, weird. On dirait, c'était louche, mais là-dedans, il y avait des grosses statues plus grandes que moi, tu sais, qui importaient d'Italie, puis qui allaient rechipper quelque part au Québec ou même en Ontario. Des fois, il y a des tournages aussi qui ont besoin d'objets du genre qui communiquent avec eux. Fait que c'est ça, il y a une couple d'années, il y était beaucoup de monde, puis là, il y était juste les deux propriétaires qui roulaient ça, puis ils travaillaient fort, mais ça allait super bien, tu sais. Donc, bel business. Et puis, ils nous ont annoncé justement, ben, nous, il fallait qu'on déménage. Il restait un an à notre bail l'année passée. Et puis, quand tu veux déménager, tu magasines les locaux commerciaux. C'est pas évident. Faut que tu t'y prennes d'avance. Faut que tu essayes de synchroniser ça. Tu sais, tu peux pas comme juste. Ça se fait pas en une semaine, là, tu sais. Faut que tu planifies des contracteurs pour faire des travaux s'il y en a. Ces gars-là sont toujours occupés, il faut que tu les planifies d'avance puis tout. Fait qu'on était d'avance, on magasinait les locaux, on a visité quelques-uns. Il y avait une pharmacie bureau de docteur, de médecin, genre vis-à-vis notre ancien magasin, mais sur Ontario. Nous, on est sur Hochelaga. Et puis, on a failli le louer, celui-là, c'était intéressant. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'on était intéressé. On l'a visité. Là, le courtier, tu sais, ouais, ok, ouais. Puis là, bon, on attend un peu. Là, on rappelle. Là, il est pas sûr. Là, il nous demande nos états financiers. Ouais, attends un peu. Fait que là, on emmagasine une couple d'autres. Et puis là, on a d'autres questions. On essaie de recommuniquer avec lui. Il nous ghost. Il répond pas. Ça prend des semaines. Finalement, on s'est dit, ouais, peut-être qu'on va laisser faire celui-là. Finalement, il réapparaît une couple de semaines plus tard. Fait que là, il envoie nos états financiers. Puis là, whoop! OK. Ah non, vous voulez venir. Vous voulez le visiter encore? Pas de problème. Ta. Fait qu'on là, on retourne, on discute, tu sais. Là, il voit qu'on a de l'argent, tu sais. On n'est pas millionnaire, là, mais qu'on a les moyens de discuter, tu sais. Chose qu'il ne se rendait pas compte. Moi, j'aime assez ça me faire sous-estimer de même, là. Ah! Parce que j'aime ça. Ça me fait plaisir. Ça, on a un fournisseur, justement, il y a un nouveau fournisseur qu'on essaie depuis quelques semaines. Puis là, il fallait tout le temps le payer par des fucking virements Interact, tu sais. Puis là, c'est compliqué, puis tout. Là, je leur écris, tu sais. Je dis, bon, là, on peut-tu arrêter ça, les virements Interact, tu sais. On bilez-nous, genre, puis pognez-le sur notre carte de crédit où on vous paye comme un fournisseur avec un transfert bancaire à un moment donné, là, tu sais, comme nos autres fournisseurs, tu sais. Ah ouais, mais là, ça prendrait les états financiers puis tout, puis être sûr pour avoir une telle affaire. Moi, je les ai, tu sais. J'ai passé l'année à envoyer les états financiers à la banque, à des comptables, à des ci, à des ça, des avocats, tu sais. Fait que j'y envoie ça. Puis là, ok, ben parfait, ça peut prendre quelques jours ouvrables, puis finalement, 15 minutes plus tard, ok, c'est bon, votre compte est ouvert. Je suis comme, merci. Ça, là. bien fier de ça. Ça me fait bien plaisir. Mange de la merde, c'ti. Fait que, parlant de manger de la merde, c'est ça, là, lui, là, là, tu sais, comme, qui nous gosse, qui nous répond pas, pis tout, là, finalement, il se rend compte, ouais. Pis là, il dit, ben, tu sais, entre-temps, on a discuté avec les propriétaires de l'immeuble où est-ce qu'on se trouve, donc Jésus, et puis, on s'enligne vers là. Ah, mais là, on pourrait vous donner le sous-sol, tu sais, là, il donnait, là, tu sais, soudainement. Il voulait nous louer peut-être une partie du sol, dépend du prix. Pis tu sais, moi, j'avais dit, on va faire des travaux ici, là, tu sais, on va s'investir, là. Ouais, mais ça, les améliorations locatives, ça vaut rien, tu sais. Je sais que ça vaut rien, tu sais. Mais on va quand même te mettre ça fucking propre ici, là, tu sais. On fera pas ça en cabochon, là. Quand nous, si nous autres, on passe, puis après, on ferme, le local qui va te rester dans tes mains, il va être très beau et très louable, là. Beaucoup plus louable que dans l'état qu'on loue présentement. Ça a une certaine valeur. Je sais que tu dis non, et c'est vrai selon les normes du marché, si je peux dire. Mais fuck you, tu sais. Fait que finalement, ben c'est ça, fuck you, Chris, on louera pas ton local, pis il est encore à louer, fait que tant pis pour toi. De toute façon, on l'aurait pas loué parce qu'ici, on a vraiment un meilleur deal. Fait que, ça, beaucoup de back and forth d'avocats pour régler le bail, ça s'est fait, c'est compliqué ces beaux commerciaux-là. Puis un coup que ça s'est fait, ben là, voilà, on est prêt. Mais on a tout le temps été, et on l'est encore à ce jour, en super belle et bonne relation avec les propriétaires. Ils sont vraiment sweet. Puis ils savent ce que c'est le grind d'être en affaires, puis d'essayer, puis de développer, puis de travailler. Puis c'est ça qu'a nous dit la propriétaire. On voit aller avec tous les jours, vous amenez vos petits jeux à votre boutique, vous revenez, puis ça travaille, puis le développement, puis... Tu sais, ils sont tombés en amour avec nous et nous aussi, vraiment, c'est des anges, ils nous couvrent. Il y a un aura autour d'eux, on est bien chanceux de les avoir. Ils sont super accommodants. Ils étaient supposés augmenter notre loyer dans notre bail au deuxième parce que c'était dans le bail, tu sais. Finalement, ils l'ont pas fait parce qu'il y avait un bug avec l'air climatisé, puis là, ils voulaient pas, tu sais, comme ils voulaient nous accommoder, puis nous faire des petits cadeaux même, c'est vraiment gentil. Fait que... Ça, c'est fait, et puis on a la bâtisse au complet, et puis c'est une caisse de jardin, comme je vous dis. On a le deuxième étage, toute la gestion, l'administration, le nettoyage, testing, mise en ligne des jeux est faite ici. Le magasin est au rez-de-chaussée. Avant, on prenait tout notre stock. Le rachat se faisait à notre autre local, on le roulait jusqu'ici tous les matins. On le process, puis ce qui est process, on le ramène là-bas. Et là, enfin, Dieu merci, tous sur le même toit. Ah, oh, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça, là, toute l'équipe, là, d'être tous ensemble sous le même toit, ça va tellement mieux, là. Puis effectivement que c'était pas un plan parfait, bien sûr, c'était un plan temporaire, puis on est bien conscient que c'était pas le best, mais c'était le mieux et puis le moins cher qu'on pouvait faire entre deux, parce qu'on pouvait pas comme casser notre bail après 2 ans, là, tu sais, ça aurait pas marché. Fait que là, d'ailleurs, on loue encore là-bas aussi. On a 2 espaces. Fait que là, on fait juste comme tirer de l'argent dans le feu à payer notre autre local. Fait que, c'est ça. D'ailleurs, ils sont supposés m'appeler, eux autres, il y a des travaux à faire. Là. Ouais. Alors, très cool. Aïe, ça vient de me stresser, ça. D'un coup, qu'ils appellent pendant que je fais le podcast. Je prendrai une pause, je reviendrai le finir après. Donc, ça s'est réglé. Puis ce qu'il y a de beau aussi, ce qui fait que c'est un bon deal... C'est que pour le pied carré, ils nous font, ça coûte cher ici, là, dans les 5 chiffres, là, mais vu la grosseur, ça demeure un excellent deal. Puis, on aura beau magasiner, on a magasiné, et puis, on peut, tu t'en sors pas, il faut que tu payes. Là, fait que même si on avait été un local à 8 000 par mois, ça, le local là-bas, plus le local ici au deuxième, on était déjà à... 5-6 à peu près. Fait que même si on était à 8, t'sais, ça aurait été même pas si plus grand que ça. Là, c'est-tu trop grand ici? Peut-être, mais d'un autre côté, c'est vraiment pas cher pour la grandeur, t'sais. Fait que c'est un esti de bon deal. Fait qu'on va. Puis en plus, ça venait avec tous les meubles. Tous les proprios nous ont laissé, tous les meubles, tous les racking, tous les slat walls sur le mur, sur lequel on peut accrocher des crochets, des tablettes, tous les ordinateurs. Toutes les caisses, des fucking... Toutes, là, calculatrices, matériel de shipping, tout. Ils ont tout laissé ça ici. Ça représente des tonnes d'argent qu'on n'a pas eu besoin de payer. Fait que ça contribue à être un excellent deal. Puis oui, il y a du vieux stock là-dedans, ça pas, mais c'est pas tout vieux non plus. On a récupéré plein d'affaires. Mais aussi, quand on a eu accès ici, quand eux autres sont partis parce qu'ils ont fusionné leur business avec un autre, on avait le rez-de-chaussée. Et puis, de pouvoir être au deuxième et orchestrer tout l'aménagement du rez-de-chaussée. Tu sais, on descend en bas. Fuck, c'est quoi la mesure de telle affaire? On descend en bas, sort le table, on mesure. OK, je remonte en haut. Ça valait de l'or. Là. Parce qu'avoir le local ailleurs, à chaque fois que tu as une question, à chaque fois que tu as une affaire, il faut que tu ailles gosser. Faut que tu prennes ton char ou que tu marches à l'autre local, tu sais, pour faire ça. On n'aurait jamais réussi là, à le faire aussi efficacement. Jamais, tu sais. Fait que ça, c'était incroyable. Il y avait des meubles ici, des meubles à... partout, là, tu sais, ben trop de meubles. Fait que je me suis réabonné à la page Facebook Hochelaga, mon quartier, avec toute la wave de marde qu'il y a là-dedans qui passe. Quel groupe tough. C'est incroyable tout ce qui se dit. Les publications dans ce groupe-là. Mais ça a fonctionné, tu sais, comme on a fait des ventes de débarras. Ventes de débarras au 40-23 Hochelaga, sonnez au 40-25, on va venir vous ouvrir. Puis du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure. Bien sûr, on a plein de messages de gens qui viennent pas et tout ça, mais c'est correct. C'était mon travail de m'occuper de ça pendant la semaine, je m'y attendais. Je répondais à tout le monde quand même si je savais très bien qu'il allait pas venir. As-tu telle mesure de ci? Peux-tu me renvoyer des photos de ça? Ok, je vais passer à telle heure. Pouvez-vous mettre une mise de côté? J'étais là-dedans pendant 2-3 semaines et puis on a vendu. On a vendu plein de cochonneries à prix du désespoir. Faut que ça parte. Fait qu'on s'est ramassé un peu d'argent avec ça. Ça nous a permis de payer des gogos, de la pizza aux employés, des affaires. Fait qu'on était bien contents puis ça a libéré l'espace. Ah, ça libérait l'espace pour les peintres. On a fait affaire avec les mêmes peintres qui avaient peint le deuxième étage ici. Avant qu'on arrive, on a tout fait remettre en blanc, comme juste pour que ça respire, là, tu sais. Ils sont pas chers, puis ils sont efficaces, là, vraiment. Je suis très, très, très satisfait. Parce que là, il fallait remettre du blanc partout. Partout ce qui était blanc, puis ça restait blanc, on remet du blanc, parce que c'était jaune, finalement, avec le temps. Il y avait du mauve, notre nouvelle couleur menthe turquoise. Et puis, tout ça était à faire. On a fait affaire avec une designer aussi. On a engagé une designer d'intérieur, dans le fond, d'environnement. Ça, d'environnement aussi, qu'on dit, je me rappelle plus. Le pire, c'est quand j'ai étudié en design graphique puis à l'UQAM, puis il y avait les gens de design d'environnement qui étaient avec nous autres. Des fois, il y en avait qui switchaient, tu sais, en graphique. Ah non, je vais aller en design d'environnement. Ça, j'ai tout le temps trouvé ça weird. Mais... c'est ça, on a engagé une designer qui nous a comme fait des plans, tout d'abord. Elle est venue visiter, tout regarder, tout mesurer les meubles, tout ce qu'il y avait. Puis après ça, elle est repartie chez elle et puis elle a concocté des plans, genre trois scénarios différents de quoi ça aurait de l'air, qu'est-ce qui serait où, qu'est-ce qui se passerait là-dedans. Et puis les matériaux aussi, comme le comptoir caisse, on pourrait mettre ça dessus. La voûte, où est-ce que l'arcade, je vais en reparler plus tard, ça pourrait être de même. Faut pas que j'oublie d'en parler de ça. Ça pourrait être ça. Ici, ça va être vert. Là, ça va être mauve. Vos présentoirs vont être là. Donc, elle a fait un excellent travail. On s'est entendu très rapidement là-dessus avec elle sur tout, bien sûr. On a choisi un aménagement. Quand on a ajusté aussi au niveau du design de certaines choses. Mais on a gardé bien des affaires. On a gardé toutes les zones qu'elle avait définies. Moi j'ai travaillé le design aussi de ça, mais c'est elle qui a dit ok, ici il pourrait avoir comme une murale d'icônes, de whatever, tu sais. Puis là, ici en arrière de la caisse, ça pourrait être ça. Puis là, j'ai dit ok, c'est des bonnes idées. Fait que là, j'ai pris ces idées-là, puis je les ai comme réajustées, tu sais, à notre main, dans le fond, à notre brand. Et puis, c'est ça. Là, mettons, il y a une grosse murale en haut avec des pictos. Cette murale se répète sur les bouts de présentoir. Là, le coin rachat, c'était très, très, très important pour nous d'avoir un coin rachat propre, grand. On a récupéré une ancienne table de couture des anciens proprios, qui est très grande. On a fait changer le comptoir dessus. On a mis Glitch, notre marmotte, en avant, qui est tout content. Wouhou! Avec des rupies, puis de l'argent, puis des étoiles. Puis rachat, vente, rachat. Qu'est-ce qu'on a écrit, là? En tout cas, le rachat est là. On écrit en français, en anglais. Fait que là, le client, quand il arrive dans cette zone-là, il est comme plus tranquille, il peut étaler toutes ses affaires sur le comptoir. Il y a deux écrans là pour la personne Lisanne qui accueille le client pour effectuer l'achat, vérifier que tout est là. Il y a trois stations maintenant au lieu de juste une coincée dans le backstore pour tester les consoles des gens. Il y a beaucoup de consoles à tester, fait descendre du monde d'en haut, en bas pour ting, ting, ting, tester les consoles au plus vite, comme ça, ça libère le client plus rapidement. Donc ça, c'était bien, bien, bien important. Puis la designer, elle l'a bien compris. Fait que c'est ça. Puis ouais, la voûte au centre, il y a une voûte ici, c'est une caisse comme je disais. Donc la voûte, c'est une pièce en béton, tu sais. Pas de fenêtre, pas rien. En plein centre de l'immeuble, tu sais. Fait que le magasin est en avant et sur le côté. En arrière, c'est plus un corridor qui mène vers la cuisine, toilette et tout. Et puis, il y a une autre plus petite voûte sur le côté où est-ce qu'on met l'over de console. Mais la voûte principale, faut faire de quoi avec ça, tu sais. Puis, on a eu l'idée de faire une arcade. Donc, une arcade pour avoir donné un plus-value au client qui rentre ici. Puis, hein, que c'est ça, tu sais. Il se fait une coupe de game, il repart avec un jeu, tu sais. Pour vraiment, là, booster l'expérience, le client. C'est bien, bien, bien important pour nous autres. Donc, puis on aurait pu mettre un néon en haut, écrit arcade et tout. Mais là, c'est un test qu'on fait. Si ça marche pas, cette arcade-là, qu'il y a personne qui joue, que c'est trop bruyant, que c'est du trouble pour les employés ou quoi que ce soit, on fera autre chose, on débarrasse ça. Et puis, c'est pour ça que, là, je vous dis des affaires, vous irez voir les photos sur notre page Facebook ou Instagram. Vous allez voir les photos de tout ce que je parle. Là, j'ai publié toutes les photos qu'on a fait faire par le photographe Stéphane Vaillancourt au lancement. Donc, j'ai mis des petits bonhommes Space Invaders en haut à la place. Tu sais, c'est un clin d'œil. Et puis, si jamais il n'y a plus d'arcade là-dedans, on peut les laisser là. Ça fait partie de la déco. Tu sais. Or, nous, chez Arcade Montréal, on a quand même pas mal d'arcades en entreposage. Mais là, l'affaire, c'est que on veut pas que le monde... On veut que le monde joue. On veut les faire sourire. Mais on veut pas qu'ils collent. Parce que s'il y a de quoi de pas payant et de dérangeant dans le commerce au détail, c'est bien les clients qui passent la journée dans le magasin. Fait que si tu leur mets des jeux gratuits, ils vont passer toute la journée dans le magasin. Puis ça, c'est pas bon. Nos employés n'auront pas le temps de s'occuper d'eux, de les surveiller, de faire le shipping, de faire leur achat. On veut pas ça, t'sais. Tout comme on n'a pas de console branchée pour que les clients jouent, là, t'sais, parce que c'est ça. C'est pas qu'on vous aime pas. Mais faut pas vous rester, il y a de la production ici. C'est de même, ça marche. Et puis, c'est ça. Donc, toutes nos arcades d'Arcade Montréal entreposées sont non payantes et ils ont besoin d'amour quand même. Ils sont pour la plupart entreposées depuis longtemps. Puis, fait que là, il aurait fallu les remettre payantes, ce qui demande quand même du travail. Et il aurait fallu qu'il y ait un permis chacun parce qu'on est au Québec. Et puis, au Québec, dès qu'une machine te demande de l'argent, il faut qu'il y ait un permis dessus, même si c'est des 25 cents. Fait qu'on avait calculé, un permis c'est environ 300$ je pense, fait que 300$ par machine, on avait fait le calcul à coût de 25 cents, tu sais, ça allait se rentabiliser, plus le gossage des clients et tout ça, puis bien sûr que tout ça n'aurait pas été simple. Puis si les machines pètent, ben là, faut qu'on les répare nous-mêmes, qu'on gosse, tu sais, fait que c'est pas simple. Alors j'ai contacté Nordstar. Nordstar est un bar de pinball qui a ouvert pas mal en même temps que Arcade MTL dans le temps, il y a 7 ans. Je les connais parce que quand eux, ils ont vu nos publications dans le journal, qu'on essaye d'ouvrir un bar arcade et on n'y arrive pas à cause de la crise de ville, eux autres, Adam, un des propriétaires, il a communiqué avec moi et il a dit moi avec, je suis dans ce combat-là, là, on veut ouvrir un bar de pinball et tout ça. Fait que là, on s'est entraînés, on s'est entraînés. On se connaît depuis ce temps-là, forme de respect, pinball, arcade. Et puis, il est très cool, Adam, vraiment, je l'aime beaucoup. Fait que, voilà, ils ont réussi, on a réussi, on est parti. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est que Nordstar, Adam, ont vendu le bar. Donc, ils ne sont plus propriétaires du bar Nordstar, qui est sur Saint-Laurent, c'est encore là. Nordstar, machine à piastres. Mais ils ont gardé le nom Nordstar quand même. Et puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des arcades partout au Québec. Fait que, eux autres, ils ont un entrepôt. Et ils mettent des arcades à des places, ou des pinballs, surtout des pinballs, à des places cool. Donc, si vous allez à la microbrasserie de Donham, les pinballs que là, c'est là, chez ma brasserie dans Rosemont, Avant-Garde. En fait, il y a des pinballs dans toutes les brasseries du Québec, je pense, et ce sont toutes les leurs. Puis il y a un food court super hot au centre-ville ici. Comment ça s'appelle? Bon, On Point, je me rappelle plus quoi. Puis là-dedans, il y a plein de pinball, il y a des machines de Mario Kart neuves et tout. Ça, ça leur appartient. Fait que eux autres, leur gimmick, c'est qu'ils mettent ces affaires-là chez vous et puis ils récoltent l'argent. Puis tu t'en occupes pas. Alors, tu fais pas d'argent, mais t'as ça chez vous, c'est un plus-value. Je trouve que c'est un excellent modèle d'affaires. Puis, c'est ce que je voulais discuter avec Adam, voir s'il voudrait mettre ça ici dans la voûte. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ici, on a une pinball de Turtles, une pinball de Spider-Man, un autre pinball, on a Pinbot, qui malheureusement est comme décédé le matin du lancement médiatique. Je suis tellement déçu. On a un genre de jeu de baseball, là, que tu frappes la petite balle, puis tout ça, c'est crissement le fun, ça. Puis on a un jeu aussi de rythme hyper, comme grosse affaire, là, au Japon, tout ça, que j'ai oublié le nom, là. C'est quasiment comme DJ, là, tu pèses sur les boutons, tu tournes des crinques de même. Et puis c'est supposément la grosse affaire, la machine est branchée sur Internet directement au Japon. Pour les Ice Car, t'as des petites cartes que tu peux mettre, tout un institut d'affaires, je connais pas ça. Mais supposément que c'est big, puis quand cette machine-là était ailleurs avant, il y a du monde qui partait de Trois-Rivières pour venir jouer et tout. Donc une machine très rare, très populaire, on a ça ici apparemment. Et je vais l'annoncer beaucoup plus éventuellement aussi. Donc on a tout ça. Fait c'est ça, eux autres, ils ont rentré les arcades, ils s'en occupent. Ils les ont mis en free play pour la soirée lancement, c'était très cool. Sinon il y a une machine à token dans la voûte, dans l'arcade. Donc, tu swipes ta carte de crédit ou tu insères de l'argent, ils tombent des tokens et tu utilises ces tokens-là pour jouer. Donc, nous, ça ne nous coûte rien. Ça ne nous rapporte pas d'argent, mais ça ne nous coûte rien. Et mes employés, ils n'ont rien à faire. Ils ne s'en occupent pas. Ils n'ont même pas besoin d'aller là-dedans. Ils ont juste besoin de l'allumer le matin puis fermer le soir. That's it. S'il y a de quoi qui pète, eux autres viennent le réparer ou ils sortent la machine puis ils en mettent un autre à la place. S'il y a une machine qui ne paye pas, ils la sortent et en mettent un autre. C'est tout à leur discrétion, nous autres, on fait rien. Ça, c'est cool. Fait que c'est une très bonne idée, je suis bien content de ça. Et puis, on va avoir une machine à toutou aussi, si on se posait nous trouver une machine à toutou avec une pince, là. ça va être cool aussi, quoique là, je me demande où est-ce qu'on la mettrait, mais en tout cas, on va en rediscuter. Finalement, les machines à toutou, ça s'est avéré plus rare que prévu, mais il a dit qu'il allait nous en avoir une. Ah, je suis comme essoufflé. Fait que c'est un maudit beau flash, ça. Ben content. C'est une très bonne idée. Là, ce qu'on se rend compte maintenant qu'on est ouvert, c'est que tout le monde ne sait pas trop s'ils peuvent rentrer dans cette voûte-là, tu sais, parce que c'est comme noir, c'est tout noir là-dedans. Fait que je pense qu'il va falloir ajouter un petit peu de signalisation pour ça. Fait que ça, c'est ce qui se passe dans l'arcade. Sinon, on a fait faire un habillage de vinyle partout ici. Donc, à l'intérieur des fenêtres, il y a des pellicules anti-intrusion, anti-UV. Donc, si on se fait casser une fenêtre, la fenêtre, elle reste là. Elle éclate, mais elle reste là, elle bouge pas. Puis, à l'extérieur, on a fait faire des gros prints dans chacune des fenêtres. Des petites bandes de prints proches de l'entrée. Nos beaux gros panneaux à l'extérieur là, qui allument dans la nuit. Là, je suis tellement content. J'ai mis des scones de jeux vidéo, des faciles, tu sais, une carapace, j'ai un Sonic, une manette de PS3, des affaires de même. Mais je voulais pas que ça soit Mario style Pawn Shop Banco, là, tu sais, un pour un. Je voulais que ça soit un petit peu plus subtil. Fait que je trouve ça bien élégant avec nos couleurs et tout. Puis en dedans, il y a du vinyle fucking partout, là, en arrière de la caisse, sur les meubles, partout, là, il y a du graphisme. Fait que ça a bien été, ça a été une grosse job ça de vinyle, vraiment ça a été quand même long. Et puis, mais la compagnie a bien fait ça, encore une fois à bon prix. Il y a des affaires un petit peu moins tight, mais quand même. Puis les petits bonhommes Space Invaders, c'est eux autres aussi. Bref, eux autres ils font tout, ils ont installé tout. Et puis on est bien content de ça. Fait que pendant que tout cela... Ah oui, il y a une autre affaire aussi. Il y a des lampes au plafond, 3 méga grosses. Lampe. C'est comme avec un abat-jour géant de cylindres. En fait, c'est des gros globes d'aréna. Genre, c'est un système d'aréna, là, ancien système, avec des grosses ampoules géantes blanches. Et puis, il y avait des abat-jours autour de ça, des gros cylindres. Fait que moi, ça me rappelait, ça m'a fait penser des tuyaux de Mario. Alors, j'ai voulu rhabiller ces abat-jours-là. Et puis, qu'il y ait comme des plantes piranha qui sortent, là, tu sais. Pour faire comme ça, ça sort du plafond comme ça. Là. Fait que ça a été un petit gros projet. La compagnie de vinyle ne pouvait pas vraiment faire ça. J'ai trouvé une autre compagnie. J'ai contacté Julie Gagnon, qui fait beaucoup de... Une amie personnelle, dans le fond. Pas proche, mais une personne que je connais très bien, qui s'occupe de tous les événements Nintendo depuis des années. Or, donc, elle, pour tous les événements, les conventions, les trucs Nintendo, qu'a fait faire, a fait produire de la merch. Ben, de la merch, des visuels sous des formats plus weird. Fait que, elle m'a donné son contact, j'ai communiqué avec eux et ils ont pu faire un recouvrement de tuyaux sur chacun de mes tubes. Mais ça a été plus compliqué. Il a fallu qu'ils descendent l'abat-jour géant. Finalement, ils n'ont pas gardé ce qu'il y avait dessus. Ils ont comme juste gardé le framing, puis ils l'ont avec des velcro comme remballé. Puis moi, dans mon design, j'ai utilisé les tuyaux de Mario World parce qu'en arrière de la tête, en arrière de la caisse, il y a une murale géante de la maison de Yoshi. Fait que dans Mario World. Fait que je voulais que ça reste Mario World. J'ai collé des petits nuages aussi. Donc c'est Mario World. Et puis, donc c'est un tuyau pixelisé dans le fond, mais pas pixel 16 bits. Là. Donc des lignes. Mais vu que le tuyau, tu sais, ça a comme un rebord, donc un anneau plus épais, faut le simuler ça, tu sais. Fait que visuellement, avec une ombre, puis en tassant le visuel de l'anneau, en tout cas, ça fait comme un effet que je trouve très réussi. Je suis bien content. Fait qu'ils ont seté ça pour les toutous piranha géants. Ça a été un méchant job. c'est custom. C'est trois gros toutous. C'est gros, là. C'est grosse boule de même. Et puis, on a fait faire ça. C'est notre designer qui a trouvé une dame qui faisait ça, qui pouvait nous le faire chez elle. Et puis, fait qu'elle pensait faire ça pendant ses vacances. Puis finalement, ça a tellement pris de temps à faire ça. Là, on sent mal, tu sais. En même temps, c'est pas de notre faute. Je veux dire, on a soumissionné, on a accepté la soumission, on fait des affaires, mais c'est plus compliqué. Mais c'est ça. Fait que c'est des grosses affaires qu'il fallait fixer. Parce que dans notre abat-jour cylindrique, à l'intérieur de ça, il y a un autre plus petit abat-jour autour du globe, en plastique, comme un bol. Puis les plantes, ils pendent vis-à-vis le globe vers le sol, tu sais, mais il faut les rattacher à quelque chose. Fait que ils ont comme quatre fils qui partent et qui vont se pogner dans le haut du framing, en dedans. Puis on a fait faire, on a demandé à la dame qui fait les plantes de nous rajouter genre un 12 pieds de tissu, de tige. Donc la tige est rembourrée jusqu'à un certain point, le point où on le voit suspendu. Puis avec le reste, c'est du tissu slack, là. Fait qu'on a entortillé ça à l'intérieur, tout autour, bref, pour faire comme si la plante elle sortait, là. Mais j'avais le truc en tête. Puis j'avais hâte de l'essayer, voir si ça allait marcher. Puis ça a quand même bien marché. Et j'étais sûr, tu sais, on ne savait pas pendant tout. Là. C'est tellement ces plantes-là, puis ces luminaires-là. C'est de l'argent durement investi. C'est du travail. Ça a été dur, tu sais, physiquement, d'accrocher tout ça. Puis les petites feuilles des plantes aussi qu'il y a sur les tiges. D'autres petites affaires pour les relever dans les airs, pour avoir l'effet parfait. C'est beaucoup de travail, c'est de l'argent. Coupe de mille, tu sais, rien que pour ça. Mais inutile, tu sais, quand tu regardes ça d'un point de vue à froid, là, tu sais, c'est pas ça qui nous fait faire de l'argent, mais moi, je pense que oui. Faut investir sur ces affaires-là pour que quand le monde y rentre, c'est comme, wow! Tu sais, le monde, ils prennent ça en photo, ils share, puis tout. Ça devient emblématique, l'entreprise, tu sais. C'est ces images-là qu'il va avoir sur Google, c'est ces images-là que le monde va partager, puis je pense que c'est bien important d'investir là-dedans. On a coupé à bien des places des trucs que la designer nous avait proposés et qu'on a décidé de pas faire pour économiser, mais celui-là, je pense que c'est important qu'on le fasse et puis ça a un petit bel effet. Je suis bien content de ça. Le comptoir caisse aussi, que les anciens propriétaires ici avaient comme deux comptoirs caisse. Très, très, très large, là. Très large, là, comme 20 pieds, 12 pieds, 15 pieds, 15 pieds, mettons. Ben trop large, t'sais. On a gardé un sur deux, mais on voulait que quand tu rentres ici, tu rentres, puis là, t'as la caisse tout de suite. Et puis la murale de Yoshi, les petits nuages, une plante qui pend. Et puis sur la caisse elle-même, il y a un gros bloc lumineux de coriandre avec notre logo à l'intérieur. Puis là, ça fait prestigieux, tu sais. Ça a coûté très cher, ça, ce bloc lumineux-là. Parce qu'il a fallu refaire cette remballée de vinyle, la caisse, un nouveau comptoir. Après ça, un module installé en avant sur lequel il y a des LED qui sont installer dessus partout. Puis ça, ça a été un gros projet d'installer toutes ces lumières-là. Le bloc de corian par-dessus, rétroéclairé. Donc, on parle de plusieurs milliers de dollars. Fait qu'encore une fois, l'argent très investi là. Mais ça fait un wow là, quand tu rentres. Là, ça a de la classe en esti. Fait que ça, je suis bien content de ça. Et puis, ouais. On a aussi des machines à gomme dans l'entrée. On a récupéré une machine à gomme, trois machines à gomme, en fait, sur le même pied, là, dans le fond. Puis là, ça a été pas si simple que ça non plus. Moi, c'était mon rêve d'avoir une machine à gomme où est-ce que quand tu pognes une gomme blanche ici, t'as de quoi, tu sais, comme dans les clubs vidéo. Fait qu'on a acheté ça sur Facebook, le Marketplace. Et puis, OK, on regarde ça. Là, c'était tout encrassé, là, c'était tout croche. Joe, il a tout démonté ça. On a fait baigner ça dans le CLR pendant des jours. Ça l'a tout enlevé à la crasse. On a nettoyé et tout. Là, c'était propre. Ça, c'était bien. Le plastique, le framing de la machine elle-même était rouge, mais on n'a pas de rouge ici. Fait que moi, je les ai shootés au vert, tu sais, comme notre vert. Puis, j'ai pas fait une si bonne. Ben, ma job est pas si pire, là, quand même. Mais c'était pas évident, là. Peinturer à canne, là, c'est un skill que j'ai semi. Mais j'ai réussi. Pas pire. Et puis, les dômes dans lesquels sont les bonbons, ils étaient finalement quand même pas mal jaunes, tu sais. Puis là, il y en a un, j'ai pris une petite éponge, là, à vaisselle, mais le côté vert, tu sais, comme pour frotter. Puis je l'ai tout graffiné, là. Fait que là, c'était pas beau du tout. Puis on était vraiment déçus, tu sais, de notre projet. Finalement, on regarde ça sur Internet. Ça existe encore, la compagnie Beaver. C'est des machines Beaver, là, comme quand vous étiez petit avec le petit castor puis tout. La compagnie est là. Tu peux commander n'importe quelle pièce, n'importe quand. Je suis wow! Puis là, on n'avait pas de socket en dedans assez gros pour que nos gommes, ils passent, tu sais. Fait que, commande un socket pour les gommes, puis commande trois autres dômes, neuf, tu sais, pour les bonbons. On reçoit ça. C'est merveilleux. C'était magnifique. Fait que, ça marche. On remonte tout ça. Ça marche. Là, par contre, on a les gommes au centre. On a d'autres gommes bonbons, là, old school à droite. Puis on a des runs, des petits bonbons runs, là, grunts, les petits fruits, là, à gauche. Mais je pense qu'il va falloir qu'on rachète des sockets plus petits pour eux parce que c'est très généreux. pour 25 cents, t'as quasiment une boîte complète de grunts, là, tu sais. Fait que, ouais, donc venez chez Retro Montréal avec votre 25 cents et mangez nos bonbons qui nous ont coûté quand même pas mal cher chez Bug Barn et puis que clairement, on perd de l'argent avec ça. Mais c'est pour faire plaisir et puis si vous pognez une gomme blanche dans la gomme, vous aurez un jeu de 25$ et moins gratuit. Alors, le monde, il l'essaye pas tant, je trouve. On a vendu une ou deux gommes depuis l'ouverture. Peut-être qu'elle est passée en valeur, la machine, je sais pas. Mais en tout cas, c'est là. Puis c'est un beau clin d'œil. Puis je voulais vraiment qu'on ait ça. Là. Je trouve ça cool. Fait que quand tu rentres, t'as la caisse, t'as le coin rachat, t'as l'arcade au centre. À côté de l'arcade, sur le mur de l'arcade, t'as le coin plus vintage avec un comptoir où est-ce qu'on a notre NES en boîte, Super NES, 64, Genesis, tout ce qui est cassette plus old school. À côté de la caisse, t'as tout le portable, les jeux portables, les consoles portables. Tout ça, les Amiibo. Ensuite, quand tu vas vers le fond, complètement à l'opposé de la caisse, là, c'est tous les jeux à disque. Donc, GameCube, Wii, Wii U, PS1, 2, 3, 4, 5, Switch, c'est tout sur le mur et dans les présentoirs devant. Et puis, à côté de ça, dans le fin fond du magasin, tu as des racks de consoles avec plusieurs consoles en display. Tu veux une console, je veux une Super NES comme ça, on va dans la petite voûte en arrière, on vous sort ça avec le sac, merci, bonjour. Et autour de tout ça, les accessoires accrochés sur le mur. Donc ça, c'est le coin hardware un peu. Et puis, c'est ça, donc tout le magasin a toutes ses zones définies, puis ça fonctionne très bien. Sur le bord de l'entrée aussi, on a des grands présentoirs qu'on a récupérés pour mettre les magazines. Toutes les guides, les magazines, on a aussi ressorti nos livrets parce que nous, on a des livrets, puis des maps de jeux, puis des inserts, tout ça. On met ça sur notre site web, nous autres, on vend ça, ces affaires-là, là, achetez-en. Et puis, on les a ressortis, on les a remis en valeur là, pour que les gens les voient et les achètent. On avait en ligne, mais en magasin, on n'avait pas de place à l'ancien endroit. Et puis, c'est ça, on peut remettre en valeur beaucoup de choses, là, des boîtiers de remplacement, on a des gogosses, là, des protecteurs de jeux, des petits foams pour mettre dans le fond des boîtes NES, des cases de protection d'ici, de ça. Tout ce qu'il faut pour les collectionneurs. Tout ça est sur notre site web aussi. Allez voir ça. Fait que, ouais. Tout ça est bien mis en place. Mais c'est sûr, puis on s'en rend compte déjà qu'il y a des affaires qu'il va falloir améliorer un peu. Il va falloir plus de signalisation. Sur le dessus de nos présentoirs, on va pouvoir mettre nos annonces 3x2 et puis toutes ces répétitions-là, c'est bien important. On a de la merch aussi, vous voyez, je porte mon chandail de Glitch Guitar Hero. Donc on a fait faire 3 t-shirts, on a fait faire 2 vestes, on a fait faire 2 casquettes et 4 types de verres différents. Donc on a le t-shirt mauve comme ça, Glitch qui joue de la git. On a le t-shirt noir de Lunar, notre astronaute qui joue au Game Boy en flottant dans l'espace. On a aussi ce design-là au-dessus de la porte d'entrée en méga gros en dedans, vous checkerez ça. On a un t-shirt gris que j'ai fait avec le mode stade olympique avec une coquille de Mario en avant. T'sais. C'est vraiment nice, là. C'est un beau clin d'œil, je trouve, une idée de ma blonde. Et puis, celui-là, c'est notre meilleur vendeur. On en vend pas mal de ça, je savais que ça allait rouler. Et puis, on a aussi le Zapper Club, la veste Zapper Club, donc notre mascotte Glitch qui est comme ah! Qui se fait attaquer par les canards de Duck Hunt. On a une autre veste verte menthe, là, flash, là, donc notre couleur complémentaire ici avec juste le logo en arrière, mauve et en avant. Et puis, une casquette grise avec notre logo gris. Une casquette qu'on reprend le logo des expos, pas le logo, mais l'autre logo dans un rond. Tiens, il y a le logo des expos. Puis il y a eu aussi le logo des expos dans un rond avec une balle de baseball écrit Montréal Expo. Fait que là, j'ai repris ce design-là puis je l'ai tweaké. Fait que ça fait une casquette baseball quand même pas mal cool. Et puis on a 4 verres, donc on a un verre à vin avec notre logo dessus. On a une pinte de bière avec le stade coquille. On a un verre à bière type canette, en forme de canette avec Glitch puis Lunar. Lunar avec un scope, un super scope et Glitch avec un zapper. Et puis on a un pot à boire avec Glitch qui vole dans l'espace là, gaiement. Alors tout ça est maintenant disponible sur notre site web aussi. Vous irez voir ça dans la section collection rétro MTL. Bien content de ça, c'est quelque chose qu'on voulait avoir. Et puis soit ça aussi, ça n'a pas été simple. Les vêtements, finalement il y avait des defects quand on les a reçus. Fait que là, communique avec la compagnie, on va là-bas, on leur montre ça, et puis voici les defects. Il n'y a pas de problème, laissez ça ici, on vous les arrange, on vous les reship, parfait. Puis finalement, la semaine d'après, pas de nouvelles, ça semble être perdu dans le mal, on communique avec eux, puis là, whoop, ah non, pas de nouvelles, il n'y a plus de numéro. Ah, puis finalement, il y a un numéro juste comme ça ressonne, on réouvre mercredi prochain, puis là nous autres on ouvrait jeudi, tu sais, pour les médias, c'est comme ah, il faut que tout ça soit en ligne. Fait que finalement Martine a pris son char pour aller chercher ça jeudi matin là-bas pour qu'on aille tout ça pour le lancement. Ça a été comme le dernier truc là, tu sais. Et puis les verres, ça a bien été, il y avait des petits defects aussi, mais c'est quand même correct. Mais c'est ça, tu sais, je suis content de c'est tellement d'affaires, tu sais, c'est tellement. Là, je vous dis ça très vite, at large, là, mais comme chacune de ces choses-là génère des communications, des billes à payer, des vérifications, des prises de rendez-vous. Moi, il fallait que je sois ici tôt le matin pour les contracteurs qui venaient démolir. Ça, j'en ai pas parlé. C'est la première chose après le donnage de meubles. Les contracteurs sont rentrés. Je les ai trouvés, envoyés un pick-up sur la rue. Je suis comme... Bon, moi, ils appelaient. Ils étaient tous lettrés. Je prends une photo, j'ai ici, je les appelle. Finalement, il me fait un bon prix. 3 semaines plus tard, il arrive. Là, j'ai dû rebumper mes peintres, tu sais. Puis, comme ils ont fait ça, là, en une semaine, là, tout ce qu'on voulait, même des projets de plus, là, des affaires qu'on leur a redonnées en plus. Pouvez-vous faire ça, s'il vous plaît? Puis tout, ils ont tout fait, là. Incroyable. Incroyable. Les contracteurs, les peintres, les gens qui ont installé les comptoirs ici, tout. Il y en a du monde qui était vraiment sur la coche. T'sais. Il y en a qui nous ont fait travailler un peu plus, là, mais Chris, quand t'as un bon fournisseur, c'est vraiment plaisant. Là, fait que, tout dans tout, je considère qu'on a eu pas d'embûche. T'sais. Il y a eu des retards de ci, de ça. Ah, puis là, mais c'est pas moi qui s'en occupais, c'est Joe surtout, mais le système d'alarme ici, c'était compliqué, là, parce qu'en haut, c'est une zone, en bas, c'est une zone. On a un autre système d'alarme au magasin aussi, il faut fermer ça. Puis là, comme si on rentre là, il faut qu'il y ait un clavier là, mais si l'employé rentre en bas, il faut qu'il y en ait un là. Si on vient faire un podcast le soir, il ne faut pas désactiver le magasin en bas. Et puis là, les systèmes n'étaient pas tout à fait ensemble. Plusieurs codes. Ça prend un code pour les gens du ménage, ça prend un code pour les gens du podcast. Ça prend... là, à un moment donné, ça ne marchait plus. On avait des notifications à chaque fois que les caméras voyaient quelqu'un passer sa rue. On recevait un email. Fait qu'il a fallu comme tout ajuster ça aussi. Ça a été de la grosse job. On a passé de Vidéotron à Bell parce qu'on avait un meilleur deal. Parce que Vidéotron voulait nous faire deux comptes. Un pour le deuxième, un pour le premier. Puis là, nous autres, Chris, c'est une entreprise. Là. Quand vous faites des immeubles au centre-ville, faites-vous un compte par étage. Là, t'sais. Mais ils voulaient rien savoir. Puis là, encore une fois, là, je leur demande combien ça coûte si je finis mon service t'sais, chez vous. Ben, ça coûterait ça. Là, tu te rends compte, je suis en train de te demander comment ça va me coûter pour crisser mon temps, là. Mais la personne semblait s'en colisser. Fait qu'on appelle Bell, on a dit, voici les infos, ils veulent pas nous faire ça, pouvez-vous le faire? Ils ont certainement, bien sûr. Fait qu'ils nous accommodent, ils font un bill pour les deux étages. Et surtout, ce qu'il y a de bon avec Bell, c'est qu'il y a une téléphonie maintenant. Fait qu'on ditch Vidéotron, on fait venir Bell. Mais Bell, c'est... Ouh, ça a été vraiment compliqué. Parce que là, on avait un numéro de téléphone ici au deuxième étage. Mais il fallait, Bell, pour qu'il fasse la moindre chose, il faut qu'il attribue un numéro de téléphone. Fait que le numéro du deuxième, ici, genre, est devenu celui du premier. Ici, on avait un faux numéro. Celui du magasin était à transférer, mais juste quand on le transfère, on ferme Vidéotron. Là, il y en a un qui disparaît ici, ça devient le numéro de toute la bâtisse. Là, on a une téléphonie, mais là, il faut que ça marche de telle façon, avec des téléphones ground. Puis, ah, quel cauchemar! Joe a tout géré ça là, comme un chef, c'est incroyable. Fait que maintenant, on est doté d'une téléphonie. Donc, quand t'appelles chez Retour Montréal, ça sonne pas tout de suite. Il y a un message. Bonjour, bienvenue chez Retour Montréal. Pour l'anglais, faites le 2, mettons. Puis là, bon. Vous voulez vendre vos jeux, faites le 1. Pour les services de réparation, le 2. Pour savoir si on a des affaires en inventaire, consulter notre site web. On répond à toutes les questions et on offre des options pour toutes les affaires qu'on se fait demander. Et si vous voulez parler à un préposé, un de nos commis, faites le 4. Pas le 0, on veut pas que le monde... Ah, mon système, fait 0 tout de suite, ça sonne. Non, on essaie que le monde soit obligé de passer à travers le système pour se faire répondre à leurs questions. Et puis, je pense que ça marche parce qu'on a pas mal moins d'appels qu'avant et c'était l'objectif. Puis ça, c'est cool. C'est très, très cool. Parce que, mettons, tu prends le service de réparation, on n'en fait pas de réparation de console ou de manette. Fait que la première chose qu'on dit, notez que nous ne faisons pas de réparation de console manette. Par contre, nous changeons les batteries, nous faisons du refaçage de disques. Voici les prix pour les batteries, voici les prix pour les disques. Pour revenir au menu, faites-le 1. Fait que, tu sais, ça règle bien les affaires. Puis tout le monde nous appelle, avez-vous tel jeu? Ben, tu sais, la première chose qu'on dit, pour l'inventaire complet, rendez-vous retromtl.com. Fait que, ben là, bien sûr, il y a du monde qui passe à travers tout le menu, apprennent qu'il faut qu'ils fassent le 4 pour parler à quelqu'un, font le 4 et avez-vous tel jeu? Ah, c'est incroyable. Et puis, on a une version anglophone parce que facilement la moitié de notre clientèle est anglophone ici. Pas juste à Montréal, mais au Canada. Donc, notre ami Éric Hébert, ce gentil franco-ontarien, a pris sa belle voix dans un filtre et tout. Il nous fait une voix parfaite anglophone. Donc, vous appellerez... je pense que c'est pas tout à fait en fonction encore. Je pense qu'on a encore un message. On travaille là-dessus pour l'anglais. C'était plus compliqué de le rentrer dans le système, mais ça s'en vient. Mais bref, ce sera là éventuellement. Et puis, c'est très cool. Là. C'est très professionnel, tout ça. Et puis, j'adore ça. Vraiment. C'est vraiment le fun. Fait que je vais finir avec le lancement qui a eu lieu jeudi dernier, le 28. Donc, tout comme à l'ouverture du premier magasin, on a fait un lancement médiatique. Où est-ce qu'on a invité tous les médias qu'on connaissait. Puis moi, quand je fais ça, j'invite, genre, je creuse. Là. Je retourne voir qui m'a donné des entrevues au cours des dernières années. Tu sais, comme les radios auxquelles j'ai passé, les journaux qui ont communiqué avec moi, pas juste pour Retour Montréal, là, mais comme quand on a ouvert l'arcade, ça a fait un boom, ça. Il y a plein de monde qui a communiqué avec moi. Je retrouve ces emails-là, ces affaires-là. Je relance ces gens-là. Hey! J'avais écrit un communiqué de presse, mis des photos, tout ça. Ben du monde m'ont aidé aussi à le corriger puis à l'ajuster. Fait que, on a fait un magnifique communiqué de presse, tout en images, avec pas trop de texte, mais juste assez, avec des points, des chiffres, des données à la fin, en gros. Fait que je suis très fier de notre communiqué de presse, c'est très beau. Fait que j'avais ces beaux outils-là, j'avais concocté un texte pour les médias, un texte pour les influenceurs, un texte pour les autres, les amis, tu sais. Fait que c'est ça qu'on invitait les médias, des influenceurs qu'on essayait d'attraper, les amis personnels de chacun de nous, du projet, tous les employés, bien sûr, et puis les fournisseurs. Donc, on invitait tout ce monde-là et on donnait aussi à qui en voudrait notre nouvelle bière qu'on fait avec l'espace public. D'ailleurs, c'est supposé être distribué, donc par Transbrew, c'est supposé être disponible. Alors, si vous en voulez, s'il y en reste, communiquez avec votre marchand local et dites-leur de communiquer avec Transbrew et de savoir s'il y a de la Mario Paint et si ça se rend jusque-là. Donc, c'est le mieux que je peux faire. Moi, je peux rien faire, c'est pas de ma faute si ça se rend pas jusqu'à cette île, cette bière-là. Et c'est en dehors de mes fonctions. J'ai pas de contrôle là-dessus. Mais elle commence à être distribuée, donc ça se peut qu'il y en ait près de chez vous ou renseignez-vous et puis ça peut être possible. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, j'ai rapatrié tous les contacts que je connaissais, toutes les affaires. Et puis, j'ai même écrit à la mairesse Plante pour qu'elle vienne. Mais là, elle pouvait pas venir. Elle faisait des pistes cyclables! Tout le monde arrête pas de dire. Ça me fait capoter. Mais non, mais j'ai écrit. Ça existe, ça. Moi, j'ai googlé email de Valérie Plante. Et puis là, ça t'amène au portail de la ville. Et puis, c'est mairesse, commercial, villemontréal.com. Genre, tu vois, OK. Fait que là, j'écris, je mets mon communiqué de presse et puis je mets toutes mes affaires, beau texte, propre. Mais pour la mairesse, j'ai fait un texte différent où est-ce que je parlais du rayonnement d'Hochelaga, de l'impact du monde des employés, des Montréalais qu'on engage, du monde de partout sur l'île qui viennent nous voir, même un peu de l'extérieur, puis qu'on attire des vedettes internationales comme Lewis Hamilton et puis des affaires de même comme ben du crémage, ce qui est... Tout ça est vrai aussi, là, t'sais, comme je voulais le faire saveur Montréal pour donner une raison qu'elle vienne, là, t'sais. Et puis finalement, on a eu un reply, comme même une journée plus tard, qui allait envoyer le maire de l'arrondissement, M. Pierre Lessard-Blais, donc qui allait venir comme représentant. Fait que puis là, veuillez remplir le formulaire. OK, on check ça. Bon, le maire peut venir de 4h à 4h45 environ. L'événement commençait à 4h. Comme bon, OK. Puis là, plus tard, plus loin dans le formulaire, ça disait « Une allocution est-elle souhaitée? » Comme « Oui! » Coche « Oui! » On veut que le maire... Ah non, l'heure qui venait, on savait pas tout de suite. Fait qu'on remplit tout le document. Est-ce que vous voulez que le maire fasse un discours? Certainement. C'est quoi les points? Voici les points. Voici qui est-ce qu'on est. Il va y avoir tel nombre de personnes. Il va se passer telle affaire. On veut une allocution à 7 heures. Nous autres, on avait programmé le photographe aussi pour qu'il soit là dès le début puis qu'il reste jusqu'à 7 heures pour qu'au moins il y ait des photos de ça. Et on envoie ça. Puis finalement, on reçoit un reply. Le maire va être présent, mais il peut juste être là à 4 heures. T'sais. Fait que il y a un autre événement de maire après. fait qu'on a laissé faire l'allocution parce qu'il n'y allait avoir personne. T'sais. Le monde arrive vers 6-7 heures, là, facile. Fait que, mais le maire est venu. Et puis il y a Radio-Canada Techno aussi qui aurait répondu à l'appel de tous les médias qu'on a envoyés, qui est venu. Et puis les deux sont arrivés en même temps. Fait que moi, Joe et Fred ont donné l'entrevue à Radio-Canada qui a fait un très bon topo. On l'a partagé sur notre page Facebook aussi. Pendant ce temps-là, Martine a passé comme une demi-heure avec le maire à y montrer comment ça marchait et tout. Fait que quand on a été libéré de Radio-Can, on est allé rencontrer le maire aussi. Et fun fact, ce maire-là, d'Hochelaga, il est aussi copropriétaire de l'espace public, la brasserie Espace Public avec qui on fait affaire. Lui, il nous racontait ça, tu sais, au départ, l'espace public, le pub, tout ça, c'est lui, il était là à temps plein, tout ça. Puis il y a quatre autres partners. Puis avec le temps, ben là, d'un moment donné, il s'est lancé en politique. Fait que là, il avait plus le temps. Fait que là, il est plus présent. Mais il est quand même actionnaire de l'entreprise. Fait que ça, c'est quand même cool. Donc, voici la bière qu'on a faite avec ton entreprise, monsieur le maire. Mais il n'en a pas pris. Il a pris un bobli. On avait des bobli. Et puis, moi aussi, j'ai bu des bobli, là, comme jusqu'à 8h, 9h. Je voulais pas me ramasser chaud. J'étais tellement épuisé, là, tu sais, je serais tombé sous en 2 secondes. Puis je voulais être apte à répondre puis à parler à tout le monde. Fait que le maire, super généreux. On a parlé business, on a parlé du quartier, de ci, de ça. Gros sourire tout le long. Il nous a acheté un t-shirt, on a pris des photos. C'était vraiment, vraiment le fun. Très, très satisfait de ça. Puis ça a été les deux gros majeurs qu'on a eu en fait. Malheureusement, on dirait qu'il y avait bien de la COVID hein, ce soir-là. Il y a eu plein de nos amis personnels qui avaient la COVID. Ben des fournisseurs qui avaient la COVID et puis tout le monde avait la COVID. Fait que la COVID a le dos large, mais je sais qu'il y a une recrudescence quand même présentement. Pour vrai, il y a beaucoup de gens autour qui ont la COVID. Ça vient avec l'automne peut-être. Mais j'aurais souhaité qu'il y ait un peu plus de journalistes que ça, mais en même temps, tu sais, c'est bien rien qu'un lancement de boutique de jeux, là, tu sais. On essaye de faire ça. En fait, on fait ça le plus big qu'on peut avec des gros termes puis des grosses affaires, puis il arrivera ce qui arrivera. On garoche tout. On met tout ça à table. Ah oui, puis j'écoutais Infoman la fin de semaine d'avant. Là, MC Gilles, il était à un concours de pépines, de pelles mécaniques. On disait ça en bosse des pépines. Une pépine, as-tu vu? Ah, il y a une pépine, là. Pour moi, il y a des travaux. Fait qu'il y a des pelles mécaniques, des concours de pelles mécaniques. Je dis, Chris, il va n'importe où, lui, dans ces affaires-là. Il pourrait bien venir dans notre magasin de jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est le fun, ça. Puis le maire va être là, et puis tout. Fait que je concocte un email, j'ajuste pour écrire à Infoman. Fait que là, j'écris à Infoman sur le formulaire en ligne du site de Infoman. Ensuite, j'écris à MC Gilles sa page personnelle. J'écris à MC Gilles sa page MC Gilles. J'envoie ça à tout le monde. Puis dans le formulaire d'Infoman, on ne peut pas rattacher de pièce jointe. Fait que je ne pouvais pas rattacher notre communiqué de presse. Fait que j'ai ajusté mon texte. J'ai écrit, par ailleurs, si vous voulez qu'on vous communique notre communiqué de presse, qu'on vous envoie notre communiqué de presse, bien vouloir nous laisser un email, tu sais, la bonne adresse. Fait que là, j'envoie ça. Ça, c'était dimanche. Et puis, lundi matin, pouf, email d'Infoman. Bonjour, vous pouvez envoyer le communiqué de presse à ce courriel. Merci. Oh, Infoman. Oh, ben, tu sais, c'est pas Infoman lui-même, c'est son équipe, mais là, c'est un vrai humain de l'équipe d'Infoman qui m'a répondu, qui voulait avoir notre communiqué de presse. Bonjour, merci, réponse. Voici le communiqué de presse, n'hésitez pas. Ta-ta-ta. J'envoie ça. Et puis, jamais eu de nouvelles. J'étais excité. Je me suis dit, wow, peut-être que MC Gilles va venir nous ridiculiser ici, qui sait. Puis j'ai mentionné que le maire allait être là, parce que tu sais, quand il y a des têtes importantes, eux autres, ils vont vers ça. Tu sais, fait qu'au moins, ça y donnait du. Parce qu'au final, tu sais, on va se le dire, là, c'est de la publicité, tu sais, c'est ce qu'on recherche à travers ça, là, nous autres, de faire parler de nous. Fait que d'être à Infoman, ça aurait été fucking big. Mais presque. Je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse encore plus. Pour qu'à un moment donné, Sébastien Dubé et Denis Barbu veulent venir. J'ai écrit encore, man, bien, on se connaît, là, il nous a acheté des jeux. Il n'est pas venu. Le gars de la radio, pas venu. Même si on s'est vu 3 fois que j'étais allé en studio, il n'est pas venu. Il y en a un autre qui avait la COVID, fait que, Colin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va là que je fasse. En tout cas, on est bien fiers. On est très fiers de tout ça. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ qu'on vit depuis, on est mercredi, là, donc depuis 3 jours. Ben, on était là en fin de semaine, mais là, c'était fou un peu, là. Mais, ouais, fait que là, on s'habitue, on va tweaker, la cuisine est en bordel, on va arranger ça. Oups, on n'a pas de sac poubelle en bas, ah, faut en acheter pour en bas, faut en acheter pour en haut. Qu'est-ce qu'on met où? On fait une petite station de nettoyage de plus en bas, une place pour les employés quand ils n'ont rien à faire. Tu sais, comme on va tout s'ajuster. C'est comme quand tu viens de déménager dans une nouvelle maison. T'sais. Tu défais tes boîtes, puis là, t'es. Ça oui, ça non. Mais le magasin, il est prêt, il est opérationnel. Il vous attend, chers amis, au 4023 Hochelaga. C'est à deux coins de rue à l'est de notre ancienne boutique. Tout est changé sur Google, Facebook, whatever. Toutes les adresses ont changé, numéro de téléphone, tout est clair. Vous ne pouvez pas nous manquer. Et puis, venez nous visiter. Allez voir nos médias sociaux pour toutes photos et résumés de cette belle aventure en images. Et puis, voilà. Je remercie les cafés Level Up pour la commandite, encore une fois. Sur leur site web, utilisez le code PAPA10 pour avoir 10% de rabais. Et nous tenons ici, chez Retro Montréal, les cafés Level Up aussi. Donc, si on est le seul point de vente montréalais des cafés Level Up pour l'instant. Donc, si vous venez ici, ils sont présents en magasin. On va les mettre sur notre site web aussi bientôt. Et puis, on en a déjà vendu une coupe. Donc, c'est très cool. Mathieu Godbout, le propriétaire, y était au lancement. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps avec lui à discuter, à faire son projet, tout. Lui et sa conjointe, je leur ai fait faire tout le tour, le grand tour du deuxième étage, le rez-de-chaussée, le fonctionnement. Fait que c'était bien le fun. Cool guy, très gentil. Donc, j'espère bien qu'on va vendre bien du café. Et puis, on a plein d'autres affaires aussi qu'on vend. Tout, éventuellement, je pense que tout n'est pas tout encore sur notre site web, genre les toutous, ces affaires-là, mais ça s'en vient, puis on va tout l'annoncer, là, de toute façon. Fait que, voilà, quelle aventure. Maintenant, on laisse la poussière retomber, et là, je vais me concentrer sur l'arcade. On va être rendu à checker les affaires avec l'arcade. Mais ici, il y a tout le temps de quoi à faire, de toute façon, tu sais, là, ça me rappelle quand on ouvre le magasin là-bas, tu sais, après le lancement, yeah, on fait le party, puis tout, là, c'est comme, ok, là, ça commence pour vrai, là, tu sais, là, ça roule, là, tu sais. Fait que là, c'est ça, là, tu sais, c'est un très gros investissement qu'on a fait ici, tu sais, dans les 6 chiffres, et puis, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Il faut qu'on se rentabilise. Puis l'économie est de la merde présentement, alors c'est moins évident. On voit les autres compagnies rusher, tu sais, il y a beaucoup de boutiques de jeux qui ont fermé aussi au cours de la dernière année et demie. Fait que faut que ça roule, tu sais, c'est pas évident de c'est pas reposant mentalement de faire tout ça. Mais c'est une aventure et puis il fallait qu'on le fasse et puis malgré tout, je pense que si on passe sans à travers ce genre de crise économique weird présentement, sans être trop déplumé, l'autre bord de ça va être très lumineux. Alors, c'est ce que je me dis. Faut juste pas lâcher. Puis, on va trouver toutes les façons qu'il faut pour vous en donner. Puis, qu'il y ait bien les affaires. Fait qu'on est bien excités. Puis, on travaille fort. Tout le temps. Fait que, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été présent en ce podcast de chez Papa Cassette. Venez nous voir et suivez aussi la page Facebook de Papa Cassette. Quoique là, j'en mets un peu moins ces temps-ci parce que tout ça était tellement dans le jus. Côté jeu, je finis Blasphemous 2, là, puis c'est tout ce que j'ai le temps de faire. C'est tellement bon. J'en parlerai plus tard. Alors, merci d'avoir été là et puis à bientôt.